السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue le ملخص في شرح كتاب التوحيد de Cheikh Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est arrivé, c'est le 45e cours, et on est arrivé au chapitre qui est يرحمك الله, qui est باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, c'est un nouveau chapitre, on va en faire deux aujourd'hui inshallah. C'est chapitre de la parole d'Allah dont la traduction du sens est: ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient, jusqu'à la fin du verset. Mujahid a dit, ce dont le sens est, c'est la parole de l'homme, ceci est mon argent que j'ai hérité de mes pères, de mes aïeux. Et Aoun ibn Abdillah, il a dit, ils disent, si ce n'était un tel, telle chose n'aurait pas eu lieu. Si ce n'était un tel, telle chose n'aurait pas eu lieu. Ibn Qutayba a dit, ils disent, ceci est par l'intercession de nos divinités. Alors maintenant, l'explication là-dessus de cette partie de Cheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, et il dit: تمام الآية وأكثرهم الكافرون من سورة النحل. Donc en fait, Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il a cité qu'une partie du verset, et Cheikh Fawzan, il dit تمام الآية, c'est-à-dire la fin du verset ou la suite du verset, c'est ce dont la traduction du sens est, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Sourate an-Nahl, verset 83. On va revenir un peu plus tard, inshallah, sur certains noms de surat Nahl qui ont à voir avec ce cours-ci, inshallah. Ensuite, Cheikh Fawzan dit: Munasabatu hadal babi li kitab at-tawhid. Comme il fait son habitude, Cheikh Fawzan, et ça fait partie de sa bonne pédagogie, de son bon enseignement, c'est que chaque fois qu'il commence un nouveau chapitre, il explique comment ce chapitre s'articule dans le livre de lucidité dans lequel, duquel il fait partie. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit ici: quel est le rapport entre ce chapitre et le livre de lucidité? Ou si vous voulez, quel est le caractère opportun d'avoir ce chapitre dans le livre de l'unicité. Et donc il dit: أن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Le rapport entre ce chapitre justement dont on a parlé maintenant et le livre de l'unicité duquel il fait partie est que l'auteur a voulu par ce chapitre clarifier l'obligation de bien se comporter, de bien se comporter, d'avoir un bon comportement, des bienséances avec Rububiyya, avec la Seigneurie, c'est-à-dire avec le Rabb subhanahu wa ta'ala, en s'écartant des formulations dans lesquelles il y a de l'association à Allah cachée. Il a dit l'alfad shirkiyya al-khafiyya, les alfad, les formulations, les paroles shirkiyya qui sont de l'ordre de l'association à Allah azza wa jal, khafiyya, qui sont cachés, qui ne sont pas facilement perceptibles. Comme attribuer les bienfaits à autre qu'Allah, car cela s'oppose à la complétude, hein, au fait que l'unicité soit complète, à la complétude de l'unicité. At-Tarajum. Ici, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Al-Habrah, rahimahullah ta'ala, il a cité plusieurs noms, et Cheikh Fawzan il fait la biographie de ces noms-là. Il dit, on a cité qui? Mujahid. Mujahid, il dit, « Huwa Cheikh al-Tafsir. » Mujahid ibn Jabr al-Makki, l'imam al-Rabbani, min talamid ibn Abbas, mata sana al-Rabi'a ba'da mi'atin hijriya, al-Rajih, rahimahullah ta'ala. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de connaître nos salafs. Il dit Mujahid, le premier c'est Mujahid, parce que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a dit, qala Mujahid ma ma'nahu. Et quand vous analysez, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est, regardez la parole de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Al-Wahhab rahimahullah. Pour les frères qui ont le livre, pour les autres ils peuvent l'écouter. Babu qawlillahi ta'ala. Donc c'est le chapitre au sujet d'un verset. D'accord? Cheikh l'Islam Mohammed ibn Al-Wahhab rahimahullah, il cite un verset de sourate An-Nahl. Et puis directement il cite une parole de qui? De Mujahid. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Fawzan ici? Il dit Mujahid c'est qui? Cheikh al-Tafsir. Et vous allez voir que Mujahid c'était pas l'élève de n'importe qui, c'était l'élève de Ibn Abbas radiallahu anhu. D'accord? Et donc, Cheikh il dit, il est Mujahid, c'est le cheikh de l'exégèse, cheikh de tafsir. Mujahid ibn Jabr al-Makki. L'imam Rabbani. L'imam Rabbani. Différentes paroles des ulama sur ce que veut dire Rabbani. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب يعني كما في الفيرسي ربانيين ابن حجر si je me rappelle bien dans le Fath il rapporte une définition et il dit العلم رباني من كان عالما عاملا معلما donc العالم رباني من كان عالما عاملا معلما يعني معلما c'est-à-dire c'est quoi العالم رباني Eh bien, c'est le savant. D'abord, première condition, c'est d'être un savant. Deuxième, amilan, qui met en pratique. Donc, l'alim du ilm, l'amil du amal. Et mu'alliman, c'est-à-dire qu'il enseigne. Et d'autres paroles de savants, de salaf, notamment la fameuse parole, c'est que l'alim rabbani, alladhi alim an-nas sighar al-masail qabla kibariha. L'alim rabbani, c'est celui qui utilise la bonne méthodologie dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'il enseigne aux gens les petites affaires avant les grandes. C'est ça la bonne manière d'enseigner, et donc la bonne manière d'apprendre aussi. Et donc il dit, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, c'est l'imam, le mot important, imam, c'est un guide, rabbani, parmi les élèves d'Ibn Abbas, le noble compagnon, radiallahu anhuma. Pourquoi on dit radiallahu anhuma? Parce que Ibn Abbas, c'est le fils, hein, Abdullah ibn Abbas, lui et son fils étaient, et son père étaient des compagnons, donc on dit radiallahu anhuma, car ils agréent tous deux. Et Ibn Abbas, justement, il est le compagnon pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua. Hein? Il a dit Allahumma faqih fi din wa alim wa ilm at-ta'wil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua pour Abdullah ibn Abbas, il a dit, oh, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse, il lui donne faqih fi din, le fiqh fi din, c'est-à-dire la compréhension dans la religion. وعلموا علم التأويل. التأويل سي ان دو مو بور تفسير. Et donc il dit, il est décédé, Mujahid rahimahullah ta'ala, en l'an 104 de l'Hégire. C'est une divergence chez les ulama, il dit, mais il dit al rajih, c'est-à-dire selon l'avis le plus fort chez les gens de science, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite il a cité un deuxième nom, c'est quoi? C'est وقala عون ibn Abdillah. عون ibn Abdillah. C'est qui عون? Il dit, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, عون هو عون بن. Ici vous avez deux fois بن. Je sais pas si la médition comment. Il faut effacer un des deux. C'est عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة عابد مات حوالي سنة 20 بعد 100 هجرية رحمه الله تعالى. عون c'est qui عون? C'est عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. C'est un ثقه qu'on peut traduire de manière très approximative par digne de confiance. Un abid, c'est-à-dire un adorateur pieux, décédé aux environs de l'an 120 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un autre nom très connu, peut-être que vous connaissez certains de ses ouvrages, c'est Ibn Qutaybah. Il dit Ibn Qutaybah huwa Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri al-Hafidh sahib al-Tafsir wa ghayrihi min al-Mu'allafat mata sana al-Sadisa wa Sib'in ba'da 200 Hijriya rahimahullah ta'ala. Ibn Qutaybah c'est qui? C'est Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Dainuri al-Hafidh, qui est un titre chez les gens du hadith, l'auteur d'une exégèse et d'autres ouvrages, décédé en l'an 276 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et puis il dit, Cheikh, il commence à expliquer les termes qui ont été cités ici par Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, et il dit, Ya'rifoun. Le verset ici, c'est Ya'rifoun ni'mat Allahi thumma yunkirunaha, al-aya. Donc, Ya'rifoun, ay, Ya'rifoun mushrikoun. Quand on dit Ya'rifoun, c'est qui savent, c'est qui? Ben c'est les politistes, les mushrikoun. Ensuite, ni'mat Allah, le Cheikh il dit, ikhtulifa fil muradi biha. Wa qad dakara al-musannifu rahimahullah ta'ala, jumlatan min aqwal al-ulama'i fi dhalik. Ni'mat Allah, le bienfait d'Allah, il y a une divergence sur le sens de cela. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité un nombre d'avis de savants à ce sujet. Ensuite, ورثه عن آبائي إلى آخره وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره جاحد لها غير معترف بها والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. Ici encore un terme, c'est ورثه عن آبائي, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la parole, je l'ai hérité de mes pères, de mes aïeux, عن آبائي, jusqu'à la fin de sa parole. Celui qui profère une telle parole, Cheikh Al-Fawzan dit, ou des paroles similaires, renie le bienfait d'Allah et l'attribue à autre que lui. Il le renie et il ne le reconnaît pas. Le verset englobe tout ce que les savants ont dit sur son sens. D'accord ? On avait dit que Cheikh Al-Baz l'avait cité, parmi les règles qu'on a citées de nombreuses fois dans nos cours, c'est que s'il y a des différents aqwal par rapport à un verset, s'il n'y a pas de ta'arou d'entre eux, on peut tous les prendre. D'accord ? Le mot jama'a est expliqué par l'ulama de différentes manières. Et quand on regarde, en fait, tous ces sens, ils se rejoignent. Ça, c'est un exemple qu'on a pu donner dans un des cours précédents. Ensuite, Cheikh, il donne le verset, son sens général. Il dit, Al-ma'na al-ijmali l'aya. Anna al-mushrikin a'tarifuna bini'amillahi lati a'addadaha alayhim fi surati al-nahli wa ghayriha. Anha min Allah. ثم ينكرونها بإضافة إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم فهم متناقضون في ذلك. Quel est le sens général de ce verset de surat Nahl? Le sens général du verset est que les polythéistes, les mushrikoun, reconnaissent les bienfaits d'Allah qu'il leur a émunéré dans la surat Nahl, la surat les abeilles et d'autres sourates. Par rapport au nom, un des noms de surat Nahl, vous savez que les versets, ils ont souvent plusieurs noms. Comme surat al-Fatiha, vous savez que c'est Om al-Kitab. Aussi, c'est quoi d'autre? Hein? Oui, et quoi d'autre, par exemple? Voilà, Sab' al-Mathani. Quoi d'autre encore? Hein? Sab' al-Mathani, il a dit. Hein? Sab' al-Mathani, il y a plusieurs noms. Par exemple, une des noms de... Hein? Om al-Kitab. Et par exemple, pour Surat al-Ankabut, il y a un autre nom pour Surat al-Ankabut, c'est Surat al-Fitan. Pourquoi? Parce que dans Surat al-Ankabut, l'Azil parle beaucoup de Fitan. C'est-à-dire, ça commence comme ça, Alif Lam Mim, Ahasib al-Nas, an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ila akhiri al-Sura. Et Surat al-Nahl a un autre nom, qui est justement ici, Surat al-Ni'am. Surat al-Ni'am. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, dans Surat al-Nahl, il parle beaucoup de bienfaits. Suratu al-Ni'am. Donc c'est pour ça qu'il dit ici le Cheikh, il dit, enfin c'est une faïda en passant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura énuméré ses bienfaits dans Surat Nahl, les abeilles et d'autres sourates. Et que ces bienfaits qu'ils viennent d'Allah, puis il les renie, en les attribuant à autre que lui parmi leurs divinités et leurs aïeux et autres. Ils sont donc contradictoires à ce sujet. Maintenant, quels sont les enseignements tirés de ce verset? Ma yustafadu min al-aya. Il y en a quatre. أولا أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية. Le premier enseignement, les polythéistes reconnaissent l'unicité de seigneurie. ثانيا وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده. L'obligation d'attribuer les bienfaits à Allah le Très-Haut seul, exalté soit-il. ثالثا التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية. En mise en garde contre le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah, car c'est une association à Allah dans la seigneurie. Rabi'an, quatrième enseignement, wujub at-ta'addub fi al-alfaz wa tahrim al-i'timad 'ala al-asbab. L'obligation de bien se comporter dans les formulations, c'est-à-dire les paroles, et le caractère illicite de compter sur les causes. Alors ici, il ne faut pas comprendre que dans le dîn, il n'y a pas de cause, au contraire. Les ulama disent que fait partie du tawakkul à Allah, de placer sa confiance en Allah. Ils disent que l'asbab min tawakkul à Allah. Le fait de prendre l'akhdu bil asbab, min tawakkul à Allah, ça fait partie de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire les causes. Mais ici, il y a une différence entre faire des causes en plaçant sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et faire des causes en comptant sur ses causes. Vous comprenez la différence? C'est pour ça qu'ici, il a dit l'i'timad à l'asbab. Or, tawakkul, c'est justement l'i'timad ala Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala, tout en prenant l'asbab, yani qu'Allah azza wa jal, il nous a donné. On continue dans le chapitre. Qala Cheikh al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, wa qala Abu al-Abbasi, ba'da hadith Zayd ibn Khalid, alladhi fihi anna Allah ta'ala qala. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. On a déjà vu ce hadith dans un chapitre précédent, c'est sur l'istisqa bil anwa. الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف بعض السلف هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Et Abu al-Abbas, il a dit, vous allez voir ce qu'est Abu al-Abbas, vous le connaissez tous, mais inchallah, mais vous allez voir ce qu'est Abu al-Abbas. Il a dit, après le hadith de Zayd ibn Khalid, dans lequel il y a qu'Allah le Très-Haut a dit, subhanahu wa ta'ala, il y a parmi mes serviteurs certains qui se sont réveillés croyants et d'autres mécréants. Ce hadith, on l'a cité dans le chapitre sur le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Jusqu'à la fin du hadith. Et ce hadith a été cité précédemment sur l'islam, parce que c'est lui l'auteur du livre, il a dit ce hadith, on l'a déjà cité précédemment. Donc, Abu al-Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Et ceci se retrouve beaucoup dans le Coran et dans la Sunna. C'est qui Abu al-Abbas? Je suis sûr qu'il y en a qui vous savez, c'est qui Abu al-Abbas? Sur l'islam, Abu Taymiyyah, Abu al-Abbas. Et ceci se retrouve beaucoup dans le Coran et dans la Sunna. Allah le Très-Haut blâme ceux qui attribuent ses bienfaits à autre que lui et lui associe. Et certains pieux prédécesseurs ont dit que c'est comme leurs paroles. Le vent était bon. Et le capitaine de vaisseau était habile. Le capitaine, celui qui conduit, qui pilote les bateaux, etc. Hein, le capitaine de vaisseau. Hadiq, c'est quelqu'un qui est habile. Al-Hadiq. Etc. Parmi les paroles similaires courantes sur les langues de beaucoup de gens. Al-Sinati Kethirin. Maintenant, les biographies. Parce qu'il a cité ici un nom, il a dit Abu al-Abbas. Al-Tarajum, Abu al-Abbas, c'est qui? C'est Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Abu al-Abbas, c'est Cheikh al-Islam Ahmed. Son prénom, c'est Ahmed ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa qad taqaddama. C'est-à-dire, أي في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. C'est-à-dire, ce hadith, il a précédé déjà dans le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le fait d'attribuer la pluie aux étoiles. Al-Mallah, c'est quoi Al-Mallah? C'est Qaidu al-Safina. Qaidu al-Safina. Al-Mallah, c'est celui qui conduit le bateau, le capitaine de vaisseau, si vous voulez. Al-Salaf, هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. Al-Salaf, les plus prédécesseurs, ce sont ceux qui nous ont précédés parmi les savants de cette communauté, parmi les compagnons et leurs successeurs et leurs suiveurs. Maintenant, c'est quoi le sens de ce athar ici cité? Eh bien, c'est que « Ana sufuna idha jarayna bi rihin tayyibatin bi amrillahi jaryan hasana nasabu dhalika ila tibir rih wa hadqi qaidi safina wa nasaw rabbahum alladhi ajra lahum al-fulk fil bahri rahmatan bihim. » Le sens général de cette parole, de ce athar, est que les bateaux, lorsqu'ils flottent et avancent d'une bonne manière, au moyen d'un bon vent, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils attribuent cela au bon vent et à l'habileté du capitaine de vaisseau. Et ils oublient leur Seigneur, qui leur a fait avancer la barque dans la mer par miséricorde de sa part, subhanahu wa ta'ala, envers eux. Et ceci est donc du genre de l'attribution de la pluie aux étoiles. Maintenant, quel est le jugement de celui qui fait ça ou qui dit ça? Eh bien, Cheikh, il dit Il y a un détail à faire quant au jugement de celui qui fait cela, qui commet cela. Premièrement, première situation. In kana al-mutakallimu bi dhalika لم يقصد أن الريح والملاح ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط فهذا شرك أصغر لأنه أضاف النعمة إلى غير الله والواجب إضافتها إلى الله. Première situation, si ceux qui disent cela n'ont pas eu pour intention que le vent et le capitaine et autres choses semblables sont eux-mêmes les acteurs de ces actions sans création d'Allah et sans son ordre subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils ont seulement voulu les attribuer aux causes, ceci est alors une association mineure. D'accord? Ce que vous avez entendu, si ceux qui disent cela n'ont pas eu pour intention, hein, n'ont pas eu pour intention que le vent, le capitaine et autres choses semblables sont eux-mêmes les acteurs de ces actions sans création d'Allah ni ordre de sa part, bien donc vous avez la deuxième situation, c'est quoi? Cheikh, il dit, si leur intention est que ces choses sont faites sans Allah, ceci est une association majeure. Cheikh, il dit, وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. والأول هو الذي يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. Et le premier, la situation qui est de l'ordre du shirk mineur, c'est un shirk dans l'afd en fait, c'est un shirk dans la formulation. Et le premier est celui qui est au courant sur les langues, qui est courant pardon, sur les langues de beaucoup de musulmans. Il est donc obligatoire de prendre garde à cela. Et ça c'est par, en général par ignorance des gens ou par inattention des gens, ou par ignorance de, des choses qui ont attrait au tawhid, qui ont attrait à l'unicité. On a fini ce chapitre, on rentre dans le deuxième, il est assez court aussi, comme ça on en fait deux aujourd'hui, sinon ce sera trop court. Et donc, cher l'islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit Babu, qawli Allah ta'ala, encore un autre verset, il dit Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, min surat al-Baqara. Qala ibn Abbas fi l'aya, al-andadu huwa al-shirk. Akhfa min dabibi namli, ala safatin sauda'a fi zulmati l'ayl. Wa huwa an taqul, wallahi wa hayatik, ya fulan, wa hayati, wa taqulu lawla kulaybatu hadha. لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقالوا الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقالوا الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. Alors ici, faites attention aux alfad en arabe, on les a cités, mais faites attention en français pour voir vraiment la différence. Parce qu'un peut être shirki et l'autre il peut être autorisé. En fonction de ce qu'il dit. On va le voir dans l'explication, inshallah. Donc, chapitre de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est « Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. » Surat al-Baqarah, verset 22. Ibn Abbas, noble compagnon, turjaman du Coran, exégète du Coran, a dit au sujet du verset « Al-Andad, c'est le shirk, l'association Allah Azza wa Jal, les égaux. » C'est le shirk « Al-shirku akhfa min dabib namli » على صفات سوداء في ظلمة في ظلمة الليل. C'est le shirk plus imperceptible que les pas de fourmis sur un rocher lisse noir dans l'obscurité de la nuit. Et ce que tu dises, et là il explique, il dit ce que tu dises par Allah est ta vie. Hein? Oh un tel ya fulan, ou que tu dises par ma vie. D'accord, c'est-à-dire que tu jures. Et que tu dises, si ce n'était, ça c'est un autre Allah, si ce n'était la petite chienne ou le petit chien d'un tel, les voleurs nous seraient venus. Et si ce n'était les canards dans la demeure, les voleurs nous seraient venus. Et la parole de l'homme à son compagnon, ce qu'Allah veut est ce que tu veux. Et la parole de l'homme, si ce n'était Allah, est un tel. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le « et ». Et puis il dit, n'y mets pas un tel, car il y a de l'association à Allah dans tout cela, et c'est rapporté par Ibn Abi Hatim. Maintenant, c'est quoi l'explication de ça? Cheikh Al-Fawzan l'explique en disant, Munasabatu hada al-bab li kitab al-tawhid. C'est quoi le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité, duquel il fait partie? Annahu lamma kana min tahqiq al-tawhid al-ihtirazu min shirki billahi fil al-alfaz, wa in lam yaqsudhu al-mutakallimu bi qalbihi. Nabba al-mu'allif rahimahullah bi hada al-bab ala dhalik, wa bayyana ba'd hadhihi al-alfaz. Le rapport entre ce chapitre et le livre de l'unicité est que comme se préserver de l'association à Allah dans les formulations, dans les paroles, fait partie de la concrétisation, de la réalisation de l'unicité, et ce même si celui qui parle n'en a pas l'intention, on a fait le tafsir précédemment, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention d'associer à Allah hein, dans son cœur, il dit, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a attiré. L'attention sur ce sujet au moyen de ce chapitre et a mis en évidence certaines formulations paroles afin qu'on s'en tienne à l'écart. Et c'est ça le faïda pour qu'on se retrouve tous les samedis ici et qu'on étudie le Kitab Tawhid ensemble. C'est pour qu'on ait un ilm après qu'on soit capable de mettre en pratique. Ça, c'est des choses qui ont à voir avec notre Tawhid, avec notre unicité. Et il dit donc afin qu'on s'en tienne à l'écart ainsi que de paroles similaires. On explique les termes, comme d'habitude, et Cheikh Al-Fawzan il dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ. Qu'est-ce que ça veut dire? أشباها ونضراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها فلا تجعلوا لله أندادا. Ne lui cherchez pas à Allah Azza wa Jal des égaux, c'est-à-dire أشباها des semblables ونضراء hein, des similaires, des égaux, etc. Tasrifun alahum, auxquels vous vouez l'adoration ou une partie de l'adoration. Wa antum ta'lamun anna rabbukum la yarzuqukum ghayruhu wa la yastahiqu al-ibadata siwah. Wa antum ta'lamun, alors que vous savez tout cela, c'est-à-dire qu'il est votre Seigneur. Parce que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qu'est-ce que ça veut dire wa antum ta'lamun? Alors que vous savez tout cela, c'est-à-dire qu'il est votre Seigneur et que personne d'autre que lui ne subvient à vos besoins, ne vous donne la subsistance et que personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala n'est en droit d'être adoré. Dabi wa fil aya, au sujet du verset. Ay fi tafsir al aya, c'est-à-dire au sujet de l'exégèse du verset. Dabib an-naml, dabib an-naml ay mashyuhu, c'est-à-dire les pas des fourmis. Ala safatin, as-safa c'est le hajar al-amlas. As-safa c'est le rocher lisse. Kulayba ici, c'est un tesghir en arabe, on appelle ça diminutif. Hein? C'est le tesghir ou kalba, wa hiya huna allati tuttakhadu li hifz al-mawashi wa ghayriha. C'est le diminutif de, c'est une petite chienne si vous voulez, c'est le diminutif de kalba qui est chienne et c'est ici celle qui est prise pour protéger le bétail et autres. Al-lusus, al-lusus, jam'u lis wa hum as-surraq. C'est-à-dire des voleurs, lusus, des voleurs. Et c'est lusus, c'est le pluriel de lis qui veut dire as-surraq, les voleurs. Al-battu, jam'u battatin wa hiya min tuyur al-ma'i tuttakhadu fi al-buyut fa idha dakhalaha ghayru ahliha. Ahliha, changer ici, c'est pas ahliha. Istankarathu wa sahat. C'est quoi al-bat? C'est le pluriel de battatun, canard. Et ce sont les oiseaux de l'eau qui sont pris comme animaux à la maison. Et donc, lorsqu'entrent dans la maison d'autres que les gens de la maison, subhanallah, stankarathu. Ils ne reconnaissent pas, donc ils réagissent. Et alors, à ce moment-là, ils réagissent à l'intrusion et crient. La taj'alu fiha fulanan. N'y mets pas un tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, la taj'alhu fi maqalatika fataqul. وما فتقول لولا الله وفلان بل قل لولا الله وحده. N'y mets pas un tel, c'est-à-dire ne le mets pas dans ta parole en disant si ce n'était Allah et un tel, mais au contraire dis si ce n'était Allah seul. هذا كله به شرك أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله أي شرك أصغر. هذا كله به شرك. Il y a de l'association à Allah dans tout cela, c'est-à-dire que toutes ces paroles citées et celles qui le ressemblent sont une association à Allah, c'est-à-dire ici une association mineure. Le sens général du verset. المعنى الإجمالي للآية أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء يصرفون لهم شيئا من عبادته. هم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق وأن هذه الأندادة عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء وما ذكره ابن عباس أمثلة لاتخاذ الأنداد لأن اللفظ الآية يشملها وإن كانت شركا أصغر والآية نازلة في الشرك الأكبر بشيتين غير كي أمبورتون تكونيتر إيسي فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. Le sens général du verset et qu'Allah le Très-Haut interdit aux gens de lui donner des semblables et des égaux auxquels il vaut quelque chose de son adoration, alors qu'ils savent qu'Allah seul est le Créateur, celui qui subvient à leurs besoins et qui leur donne la subsistance, et que ces égaux prétendus sont incapables et indigents, et ne détiennent rien de l'ordre. Et ce qu'a dit Ibn Abbas sont des exemples de prise d'égaux, car la formulation du verset les englobe, même si cela fait partie de l'association mineure. Quelqu'un peut se dire, on a dit que c'est l'association mineure, alors que le verset il est descendu sur l'association majeure. Comment ça se fait que Ibn Abbas il utilise ça pour l'association mineure? Eh bien, ici, il est dans la règle, Cheikh Al-Fawzan, il dit, même si cela fait partie de l'association mineure, alors que le verset fut révélé au sujet de l'association majeure, les pieux prédécesseurs utilisaient comme preuve de l'association mineure ce qui était révélé au sujet de l'association majeure. les enseignements tirés du verset. Ma yustafadu min al-aya. Awalan tahdhiru min ash-shirki fi al-ibada. La mise en garde contre l'association dans l'adoration. Thaniyan, anna al-mushrikina muqirruna bi tawhid ar-rububiyyah. Les polythéistes reconnaissaient l'unicité de seigneurie. Thalithan, anna ash-shirk al-asghar khafiyun jidda wa qalla man yatanabbahu lahu. L'association mineure est très imperceptible, elle est très cachée. Et peu ce sont ceux qui y font attention. Wallah al-musta'an. Et pour y faire attention, il faut savoir. Rabi'an. Wujub tajannub al-alfad ash-shirkiyyah wa law lam yaqsidha al-insan bi qalbihi. L'obligation de s'écarter des formulations qui sont de l'ordre de l'association à Allah, et c'est même si la personne n'en a pas l'intention dans le cœur. On continue. On a presque fini, on continue. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. L'auteur qui est cheikh l'islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il cite, il dit, et d'après Omar ibn al-Khattab, vous allez voir qu'en fait c'est pas Omar, c'est son fils qui a rapporté le hadith. Et d'après Omar ibn al-Khattab, qu'à la grecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jure par autre qu'Allah aura certes mécru ou associé à Allah. On va revenir sur le mot ou ici, inshallah. Il est rapporté par Tirmidhi Abu Daoud et al-Hakim, et Cheikh l'Islam, il dit justement ici, il est rapporté par Tirmidhi qu'il a jugé Hassan, et jugé authentique par al-Hakim. Alors, An Omar, Cheikh Fouzen dit, Sababuhu, An ibn Omar. Ce qui est correct, ce n'est pas An Omar ibn Khattab, c'est An Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Man halafa al-Halif, اليمين وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. C'est important, les définitions dans le tawhid, talib ilm, c'est comme ça qu'il se construit, c'est notamment par les définitions des termes. Man halafa, quiconque jure. Al halif, c'est quoi? C'est al yamin, le fait de jurer. Et c'est une insistance, hein? Il dit توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. Il dit, c'est une insistance sur le jugement en citant un glorifié de manière spécifique. D'une manière spécifique. Bighirillah, ay bi makhlouqin min al-makhlouqat. Man halafa bighirillah, qui jure par autre qu'Allah ici c'est-à-dire n'importe quelle créature parmi les créatures. Kafara ou ashraka. Yahtamilu an yakuna hada shakkan min al-rawi, wa yahtamilu an yakuna ou bi ma'na al-waw, fa yakunu kafara wa ashraka. والمراد الكفر والشرك الأصغران. Vous voyez la richesse de la langue arabe, encore une fois la limite des traductions, hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre la langue arabe et prendre directement des ulama, et en plus en langue arabe, parce que la langue arabe elle a une puissance que les autres langues n'ont pas. Et il dit ici kafara ou ashraka, kafara ou ashraka. Il a certes mécru ou associé à Allah Azzawajal. Cheikh il dit, il est possible que ce soit de l'ordre du doute de la part du narrateur, parce qu'il a dit « ou »,« au ». Et il est possible que le « au », le « ou » soit avec le sens de « waou »,« wa », c'est-à-dire « et ». Alors le sens serait ici, comme le dit Cheikh, ce n'est pas « kafara au ashraka », ce serait « kafara wa ashraka ». Il a certes mécru et associé. Et donc ici, le « couvre », mécréance et « shirk », association, sont la mécréance et l'association mineure. Le « ma'na al-ijmali » lil hadith. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith khabaran ma'nahu an-nahy anna man aqsama bighayri llahi min al-makhluqat faqad ittakhadha dhalika al-mahluf bihi sharika lillahi wa kafara billah li'ann al-halifa bi-shay yaqtadi ta'dhimah changer ici c'est ta'dhimah wal-'azamatu fi al-haqiqa innama hiya lillahi wahdahu fala yuhlafu illa bih aw bi sifatin min sifatihi. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe dans ce hadith d'une information qui a le sens d'interdiction, un nahi. D'accord? Parce que c'est quoi la volonté? Le professeur ne nous a pas informé pour nous informer comme ça. C'est juste pour nous, justement pour nous interdire le fait de juger par autre, de jurer par autre qu'Allah. Et c'est anna man aqsama bighayrillah min al-makhluqat, quiconque jure par autre qu'Allah parmi les créatures aura certes pris ce par lequel il a juré comme associé Allah Azza wa Jal, il aura certes mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Car jurer par une chose implique le fait de glorifier cette chose. Alors que cette glorification en vérité n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, ce n'est qu'un droit que d'Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne jure que par lui ou par l'un de ses attributs. Par un attribut parmi ses attributs. مناسبة الحديث للباب le rapport entre le hadith et le chapitre أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique que celui qui jure par autre qu'Allah aura certes pris celui par lequel il a juré comme égal à Allah. ما يستفاد من الحديث les enseignements tirés du hadith تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك وكفر بالله le caractère illicite de jurer par autre qu'Allah et que c'est une association à Allah et une mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Taniyan an at-ta'zima bil halifi haqqu lillah subhanahu wa ta'ala fala yuhlafu illa bih. Glorifier en jurant est un droit d'Allah le Très-Haut seul et donc on ne doit jurer que par lui subhanahu wa ta'ala. Thalithan an al-halif bi ghayrillah la tajibu fihi kaffara lanahu lam yadhkur fihi kaffara. Jurer par autre qu'Allah ne rend pas obligatoire une expiation car il n'y a pas été fait mention d'expiation ici dans ce hadith. Encore deux petites parties puis on a fini inchallah. Wa qala ibn Mas'ud la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighayrihi sadiqa. C'est là que vous voyez la profondeur de la compréhension des sahaba ridwanullah alayhim. Qu'est-ce qu'il a dit ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda? Il a dit que je jure par Allah en mentant mais plus aimé que de jurer par autre que lui en étant véridique. Cheikh Al-Fawzi explique, il dit la an, parce que Ibn Mas'ud il dit la an ahlifa billah. La an, al-lam, ça c'est impossible à traduire ça, celui qui traduit ça, mashallah, je le remercie. Al-lamu, lamu l'ibtida, wa an masdariya, wa al-fi'lu ba'daha mansoubun fi ta'wili masdarin marfou'in ala l'ibtida. Yalla, celui qui traduit ça, je l'amène à manger. نعرض عليه ماشي مشكل سي انتراديكتيف هادي سي خليها بالعربيه وخلاص ها pour les frères qui ont fait la grammaire ils vont comprendre اللام c'est lam l'ibtida ici وان c'est المصدريه et donc le fi'l بعدها منصوب في التاويل مصدر مرفوع على الابتداء donc si vous avez un mubtada vous avez un khabar il est où ce khabar احب الي من ان احلف بغيره صادقا يعني احب الى c'est khabar le mubtada خلاص on l'a laissé en arabe celui qui a compris Allah يبارك فيه celui qui n'a pas compris Allah غالب المعنى الإجمالي للأثر لسون جينيرال دو أثر يقول ابن مسعود رضي الله عنه إقسامي بالله على شيء أنها أنا كاذب فيه أحب إلي من إقسامي بغير الله على شيء أنا صادق فيه وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله في هذه الحالة في حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك يرحمك الله وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك وإلى la profondeur de la compréhension des sahaba radhiyallahu anhum wa ardhahum vous allez comprendre ça dans un instant inshallah quel est le sens général de ce athar de cette parole d'Ibn Mas'ud Il dit qu'il jure par Allah au sujet d'une chose au sujet de laquelle il ment, lui est plus aimé que de jurer par autre qu'Allah au sujet d'une chose au sujet de laquelle il est véridique. Et il n'a préféré jurer par Allah en cas de mensonge, en mentant, plutôt que de jurer par autre qu'Allah en étant véridique, car il y a dans le fait de jurer par Allah dans ce cas la bonne action de l'unicité et la mauvaise action du mensonge. Tandis que jurer par autre qu'Allah en étant véridique, il y a en cela la bonne action de la véracité et la mauvaise action de l'association à Allah. Alors que la bonne action de l'unicité est plus importante que la bonne action de la véracité. Et la mauvaise action du mensonge est moins grave que la mauvaise action de l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour les frères qui ont un peu de fiqh, ils vont tirer une règle directement de ça. Vous allez là, celui qui ne la tire pas, Cheikh Al-Fawzi l'a tiré pour nous de toute façon. Hein? On continue déjà en attendant. « Munasabatul athari lilbab » أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله. Le rapport entre le athar et le chapitre est qu'il indique le caractère illicite de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الأثر؟ Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce athar? Awalan tahrim al halif bi ghayrillah. Premièrement, le caractère illicite de jurer par autre qu'Allah. Thaniyan anna ash-shirk al-asghar a'dham min kaba'ir adh-dhunub kal-kadhib wa nahwihi min al-kaba'ir. Ça c'est important, très important. L'association à Allah mineure est plus grave que les péchés majeurs. Comme le mensonge et autres parmi les péchés majeurs. J'avais rapporté un avis de Cheikh Oubaid, vous souvenez qu'il avait dit que. Mais il est revenu sur cet avis-là, je vous l'ai dit ça aussi. Il avait dit que le shirk asghar, évidemment, il est différent du shirk akbar, vous savez, parce que le shirk akbar, il est éternellement en enfer. C'est-à-dire que celui qui fait le shirk asghar, il n'est pas éternellement en enfer. Mais il dit qu'il y a une similitude, c'est qu'en fait, les deux ne sont pas pardonnés. Par rapport au verset que vous connaissez tous sur le fait que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. D'accord? Et donc, en fait, il faut absolument faire tawba. Puis Cheikh Ahmed, il est revenu sur cet avis, et il a dit qu'il peut être expié aussi. Mais que malgré ça, ça reste plus grave que les péchés kaba'ir. Donc vous voyez que c'est pas mineur, c'est attention. Hein. On a dit quoi? Si les kaba'ir sont là, l'association mineure elle est au-dessus. Wal'adou billah. ثالثا جواز ارتكاب اقل الشرين c'est la règle dans pour que les frères qui ont peut-être deviné la règle جواز ارتكاب اقل الشرين ضررا اذا كان لابد من احدهما la permission de commettre le moindre des deux maux le pluriel de mal lorsqu'il est inévitable d'en commettre l'un des deux de commettre un des deux c'est-à-dire s'il y a deux maux un mal et un mal et tu es obligé de faire un des deux qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire le moins grave hein? c'est ce genre de texte là qu'on tire ce genre de règle là رابعا دقة فقه ابن مسعود رضي الله عنه la précision de la compréhension de la religion d'Ibn Mas'ud car elle agré رضي الله عنه وارضاه dernière partie après on a fini inshallah شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى il dit وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان إذا أبقى حذيفة كان لغري دابخ البروفيت صلى الله عليه وسلم وكل البروفيت صلى الله عليه وسلم a dit ne dites pas ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut Mais dites plutôt ce qu'Allah veut, puis ce que veut un tel. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Il était rapporté d'Ibrahim al-Nakhai qu'il déteste que l'homme dise « Je cherche refuge en Allah et en toi. » Mais qu'il autorise de dire « En Allah, puis en toi. » Et il dit « Si ce n'était Allah, puis un tel. » Et ne dites pas « Si ce n'était Allah et un tel. » Alhamdoulilah, en général, les frères salafis qui Alhamdoulilah, ils donnent l'importance au tawhid. Ils font attention à ce genre de précision dans l'alpha. Wallahi alhamd, wal minna. Explication du Cheikh Al-Fawzan. Il dit, la taqoulou. Là ici, c'est quoi? C'est la nahiya. C'est le la d'interdiction. La nahiya, wal fi'lu ba'daha majzoumun biha, wa alamatu jizmiha hadfun noun. Ça, à la limite, on pourrait un peu traduire, mais il n'y a pas d'intérêt. La nahiya, c'est quoi? C'est que ici, le fi'l, la taqoulou. Parce que l'asl, c'est quoi? Le fi'l mudari, c'est quoi? تقولون دونك لو دال محذوف ici le nun il mahdouf parce que le fi'l mudari' il est majzoum bila nahiya c'est aussi simple que ça voilà خلاص انا كي مغيرت خديت باغي اجوتي صافي خلاص لا غير c'est ça la nahiya تجي من الفعل المضارع le sin du qui c'est majzoum ici bila nahiya c'est quoi حذف النون خلاص ما شاء الله وشاء فلان لأن العطف بالواو يقتضي الجمع المساواة. C'est important de comprendre ça ici. ما شاء الله وشاء فلان. Ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut. Car la coordination, je ne sais pas si à mon époque à l'école on appelait ça coordination, de conjonction de coordination. Les jeunes, je sais que ça a changé. L'Académie française à un moment ils ont changé ça. Il y a eu des nouvelles. Le kulli hal khlas. La coordination au moyen du waou est à valeur. De regroupement et de mise au même niveau. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « et ». Vous comprenez ça? Parce que les alpha, les termes, ils ont un sens en arabe. Donc on dit Masha'Allah wa Masha'a Fulan, il y a un problème ici. C'est quoi? C'est le jam' ou le Moussawat. Car la coordination, puis il dit ensuite, pardon, Masha'Allah thumma sha'a Fulan. Ça c'est différent. Masha'Allah thumma sha'a Fulan. لأن العطف بالثم يقصد الترتيب والتراخي. I'll just explain what that means, inshallah. ما شاء الله ثم ما شاء فلان. Ce que Allah veut en français, puis ce que un tel veut. Pourquoi on peut utiliser puis ثم ثم en arabe? Pourquoi on peut utiliser ثم ici? Parce que ثم تفيد ماذا؟ الترتيب والتراخي. الترتيب والتراخي. C'est-à-dire que la coordination au moyen du ثم à valeur d'ordre, il y a un ordre. Et d'attardement, si vous voulez. Je vous donne un simple exemple. En arabe, quand on dit Dakhala Muhammadun wa Zayd, et Dakhala Muhammadun fa Zayd, et Dakhala Muhammadun thumma Zayd. Je vais rappeler des cours de grammaire à certains là. Hein? C'est quoi la différence entre les trois? Il y a une différence entre les trois. Il y a une différence entre les trois. Muhammad et Zayd sont rentrés dans le premier cas. C'est-à-dire, ils sont rentrés en même temps, ensemble. Dakhala Muhammad wa Zayd. D'accord? Dakhala Muhammadun fa Zayd. C'est quoi ici? Directement après. Il y a un ta'qib, mais c'est directement après. Muhammad est rentré, puis Zayd. Mais l'un après l'autre. Et quand je dis Dakhala Muhammadun thumma Zayd, c'est-à-dire que Zayd est rentré après Muhammad, mais après un certain temps, il y a eu un attardement. C'est pas, je vous explique juste pour que vous compreniez c'est quoi le mot tarahi ici en fait. Donc on dit ici, c'est harfu atfin ici, c'est aussi, dans le sens il y a quelque part une coordination ici. Mais il y a quoi? Il y a un tarahi. D'accord? Donc ici, on peut dire thumma sha'a fulan. Yakrahu, il déteste, al karaha fi urfi salaf, yuradu biha tahrim. Certains de nos frères, ils ne savent pas que ils disent, ah, c'est makruh, parce que chez les salafs, les anciens, makruh, ça voulait dire haram. Hein? Donc, faire attention des fois. Et ça, ça revient aux ulama, c'est eux qui comprennent. Nous, des fois, on va dire que c'est makruh, alors qu'en vérité, l'auteur qui est un ancien, il a voulu dire haram. Parce qu'il y a une différence dans au sul fiqh entre le makruh et le haram. Hein? On avait déjà parlé de l'ahkam al-khamsa. Hein? On avait parlé du wajib, le mustahab, le mubah, le makruh, le haram. Donc ici, yakrahu, le karahatu fi urfi salaf, yuradu biha tahrim. Yakrahu, il déteste, al karaha, et dans ce qui est connu chez les pieux prédécesseurs, son sens voulu est l'illicite. A'oudhu, al-aoudh, huwa l'iltija'u ila al-ghayr wa ta'alluqu bih. Je cherche refuge, al-aoudh, c'est se réfugier chez autrui et s'accrocher à lui. لولا حرف امتناع لوجود اي امتناع شيء لوجود غيره لولا si ce n'était en français si ce n'était c'est l'empêchement de quelque chose en raison de quelque chose existant c'est-à-dire l'empêchement d'une chose en raison de l'existence d'une autre chose لولا كذا لكان كذا المعنى الاجمالي للحديث ينهى صلى الله عليه وسلم ان يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع لا تقتضي فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا وتسوية المخلوق بالخالق شرك ويجوز صلى الله عليه وسلم عطف المخلوق على الخالق بثم لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محظور فيه لكونه صار تابعا والأثر المروي عن النخعي يفيد ما أفاده الحديث. Alors quel est le sens général du hadith? Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم interdit de coordonner le nom de la créature au nom du créateur au moyen de la conjonction de coordination waou et après avoir fait mention de la volonté ما شاء الله وشاء فلان ce que Allah veut et ce que un tel veut. Ou autre, car ce qui est coordonné au moyen du waou est mis au même niveau que ce auquel c'est coordonné, en raison du fait que c'est placé pour le regroupement absolu, mutlaq al-jama', en raison du fait que, et cela n'a donc pas valeur d'ordre et d'attardement. Il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas l'un après l'autre. Il n'y a pas d'attardement, comme on a dit, c'est un puis l'autre. D'accord ? Une chose puis une autre. Alors que mettre au même niveau la créature et le créateur est une association à lui, subhanahu wa ta'ala. Mais il, sallallahu alayhi wa sallam, autorise la coordination de la créature au créateur au moyen de la conjonction puis, thumma. Car ce qui est coordonné au moyen de cette conjonction vient dans l'ordre après ce auquel cela a été coordonné avec un délai, tarahi. Et donc il n'y a pas de mal à cela, car à ce moment-là, ce qui est coordonné suit, vient après, et donc pas au même niveau. Et le athar rapporté par An-Nakhai va dans le même sens que le hadith. Et le jugement de chercher refuge, ça je dois lire aussi, c'est important, « Wa yakhtassu hadha al-hukmu wa al-'awdu bil-makhluqi al-ahya' alladhina lahum qudrah duna al-amwati wal-'ajizina fala yajuzu an yusnada ilayhim shay'. » Et le jugement de chercher refuge auprès de la créature est spécifique aux vivants, hein, qu'on a dit « thumma bik », qui ont une capacité, qu'ils soient hayy, qu'ils soient qadir, et pas aux morts qui sont incapables, et donc il n'est pas permis de leur attribuer quoi que ce soit. Munasabatul hadithi wal athar lil bab, quel est le rapport entre ce hadith et le athar et le chapitre duquel ils font partie ? أنهما يدلاني على النهي عن قولي ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لأنه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما. Le rapport entre le hadith, l'athar et le chapitre est qu'ils indiquent tous deux, le hadith et l'athar, l'interdiction de dire ce qu'Allah veut et ce qu'un tel veut. Et autres paroles similaires, car cela fait partie du fait de donner des égaux à Allah, ce qui a été interdit par le verset cité au début du chapitre, en fonction de ce qu'a expliqué Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous deux. Les enseignements tirés du hadith, et après ça on a fini, inshallah. Ma yustafadu bid al-hadith, il y en a trois. Awalan tahrimu qawli ma sha Allah wa shi'at, wa ma ashba dhalika min al-alfad bimma fihi al-atf 'ala Allah bil waw, li'annahu min ittikhad al-andad lillah. Le caractère illicite de dire ce qu'Allah veut et ce que tu veux, et ce qui est similaire comme parole et dans lesquelles il y a une coordination à Allah au moyen de la conjonction « waouh » et « car cela fait partie de donner des égaux à Allah ». Thaniyan, jawazu qawli ma sha Allah thumma shi'at. Ma sha Allah thumma shi'at. Wa ma ashbaha dhalika mimma fihi al-atfu 'ala Allah bi thumma l'intifa' al-mahdhur fihi. La permission de dire ce qu'Allah veut puis ce que tu veux, et ce qui est similaire parmi les paroles dans lesquelles il y a une coordination à Allah au moyen de la conjonction thumma, puis, car à ce moment-là, il n'y a pas de mal. Thalithan wa akhiran, troisième et dernier enseignement, إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد وأنها تابعة لمشيئة الله تعالى. L'affirmation de la volonté à Allah et l'affirmation d'une volonté au serviteur, et cette volonté du serviteur suit la volonté d'Allah le Très-Haut. C'est pour ça qu'un verset, on a déjà parlé de cette mis'ala, que vous avez raconté une discussion avec un kafir que j'avais eu en Belgique. On avait cité le verset وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. C'est-à-dire qu'Allah nous a donné une volonté. On veut faire des choses. Notre volonté, elle est pas indépendante. Elle dépend et elle est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avec ça, on a fini le cours d'aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je voyage mardi, inshallah. Je vais en Belgique. Faire une daura en Belgique, inshallah. On va. Merkezi l'a ouvert. Hein,